Johnny est un chanteur belge, de Solène Denis. Cinquième épisode. Moi, je peux pas courir plus vite. Donne-moi ton sac. Voiture 7, t'as plus qu'une. Oh, j'en peux plus, je vais tout faire avec ma langue. C'est là. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à bord de Thalys. T'as pas un sac plastique? T'as envie de vomir? Non, j'arrive plus à respirer là. Et avec un sac, tu vas mieux respirer. Ouais. Ils font ça pour les crises de spasmophilie. Julie, tu fais pas de spasmophilie. Ah, on sait pas. Mais non. Tiens, prends du chocolat. Ah, du Godiva alors. Oui, du Godiva. T'en veux ça? Non, je vais prendre du Marcolini. Mais j'en prends pas trop, c'est pour Marco. T'es contente? De quoi? Bah, de retrouver ton mec et ton bébé. Bah, bien sûr, grave. Même si sans eux, c'était bien aussi. Ah, tu vois, t'hésitais à les laisser. Ça s'est bien passé, mais il m'appelle plus. C'est même moi qui lui ai fait un texto tout à l'heure pour savoir si tout allait bien. Ouais, ma biche, il a répondu. Genre, je gère à mort, t'occupes pas de moi. Non, mais l'autre, il y a 3 jours, il avait jamais changé une couche. Ma biche après mon lapin. Bah ouais, je suis sa biche. Sa biche chiante. Il adore ça, hein. Il en redemande. Hein. Plus je suis chiante, plus il aime. Je sais pas pourquoi. Bah, faut croire que nous aussi. Eh, mais tu peux parler, t'en tiens une couche, toi. Ouais, c'est vrai. Il y a qu'Anaïs qui est cool, en fait. Ouais, sauf qu'elle nique tout ce qui bouge. Hein. Attends, ça va, plains-toi. Il a réparé les toilettes. Oui, que tu avais bouché. Et Diane, au fait. Bah, ça l'a fait rire. Tu lui as dit? Bah oui. Mais il s'est pas trompé, je t'ai dit. Et puis on s'est dit qu'on allait arrêter là avec ces trucs de fidélité, c'est débile. On est libre. Mais attends, mais c'est ingérable, il y en a forcément une qui va souffrir. Bah non, pas forcément. Pas forcément, tout le monde en fait un flan de la fidélité et puis ça marche pas. Ça marche pas, il y en a toujours un qui craque et ça part en sucette, ça se déchire, ça crie, ça pleure. Ouais, ça c'est pas fou. Hein. Bah ouais. Alors bon, tu vois, pourquoi pas sortir des sentiers battus, je sais pas. Je me dis que ça coûte rien d'essayer. Essayer d'inventer la vie, alors faire en sorte, tu vois, qu'elle te ressemble, au lieu que ce soit toi qui essayes de ressembler à la vie des autres. De toute façon, t'es pas vraiment lesbienne. Bah, si, je me vois pas faire ma vie avec un homme, mais ça m'empêche pas de les désirer un peu, tu vois. Quelquefois, juste comme ça. Bon, ça s'appelle être bi, ça. Oh, tu crois que je pourrais être bi aussi? Bah, je sais pas. Tu m'emmèneras dans le Marais la prochaine fois? On va plus dans le Marais, c'est plus du tout... Hype. Voilà. Ou alors... Pigalle. Ah bon? Y a pas que des sex shops? Ah non, il y a des super bars. Bon, bah, tu m'emmèneras à Pigalle, alors? Si tu veux. Youhou, je vais me faire une meuf. Bah, il est oublié, adoptnassim.com. Ouais, en fait, je crois qu'il est con. Eh, t'es pas une gonzesse, toi, hein? T'as un emporte-pièce. Pourquoi? Je comprends pas la blague. Mais c'est pas une blague, c'est une expression, juger à l'emporte-pièce. Mais je juge pas. Il avait qu'à me faire des smileys, c'est la moindre des politesses. Même un smiley qui vomit, j'aurais compris. Le silence, c'est odieux. Rien de plus odieux que le vide. Elle a jamais rappelé d'ailleurs la proprio pour le plombier. Et puis son texto, là, laisser les clés dans la boîte aux lettres en partant, super aimable. Et en même temps, heureusement, parce qu'on lui a défoncé son appart. Pas du tout. On lui a défoncé son café, hein. Et j'ai pété une tasse. Mais bon, on lui a réparé ses chiottes et Julie a fait la poussière. Merde, on n'a pas descendu la poubelle. Eh, mais moi, je saoulerai jamais mon appart si c'est pour tomber sur des connasses comme nous. Non, mais on n'est pas des connasses, on est vivantes, c'est tout. T'écris à Marco, Sarah? Non, je regarde les photos du week-end. Oh, putain, t'as une tête sur celle-là. Fais voir. Oh, c'est tendu, là. Oh merde, c'était quand, ça? Ça, c'est le deuxième soir au bar avant que tu danses sur la table. Mais arrête, j'ai pas dansé sur la table. Eh bah tiens, regarde la suivante. Oh mince, je me rappelle pas du tout tout ça. Oh, et là, c'est au camion de frites du New York Times. C'était vraiment les meilleurs du monde. C'est clair. T'as eu raison d'insister, Sarah. Attends, t'as pris une photo des chiottes bouchées? Ah bah ouais, ça fait partie du week-end, non? Ouh, elle a fait un selfie dans la salle de bain. À poil. Non, regardez pas. C'est perso, quoi. C'était pour Marco? Bah ouais, pour la libido, quoi. Histoire de remonter la pente. Ah, et là, toutes les trois à l'atonium. Mais t'es toute pâle. Bah ouais, mais je vous l'ai dit, hein, j'ai le vertige. Je pensais que c'était du bluff. Bah non. Oh, elle était quand même montée. Non, oui, c'était pour le faire avec vous. Putain, Julie, t'es en train de boulotter tout mon chocolat Marcolini, là. Hein? C'est le Marcolini, celui-là? Bah oui, il y en a presque plus. T'as qu'à prendre du mien. Mais non, je te dis, Godiva, c'est gras comme chocolat. Oh, moi, je vois pas la différence. Mais toi, t'as un ventre. Quand est-ce qu'on se refait un week-end, toutes les trois? Ah ouais, on pourrait aller où, Sarah? Amsterdam. Ah oh non, Amsterdam, c'est trop chaud du cul, arrête. On va passer l'âge. Ok, Londres? Ah bah non, Bilbao. Il y a le musée Guggenheim. Ah non, les musées... Ibiza. Et Barcelone. Il y a du musée et de la plage. Ouais. Ah ouais, et des hommes poilus. Mmh, et les femmes en maillot de bain. Bon, bah vendu, hein. Ouais. Quand ça, alors? Octobre. Octobre? Mais on n'ira pas à la plage en octobre. Septembre, alors, l'été indien. T'es sûre que c'est Hyde Barcelone, Sarah? Mais grave. J'ai envie d'écouter Johnny. Je croyais que c'était quand t'étais triste. Bah, je suis un peu triste, parce que le week-end est fini et que c'était trop bien. Et un peu heureuse parce qu'on repartira. Puis quand même, c'est un chanteur belge maintenant, alors, pour passer la frontière. Mais c'est quoi ton truc avec Johnny? C'est ringard, Johnny. Je sais pas. Ça doit dater de mon enfance. Mais on a tous des trucs un peu la honte qu'on assume pas, mais qu'on aime quand même, non? Toi, c'est quoi? Rihanna? Britney Spears. Francis Lalanne? Lara Fabian. Oh merde! Non, pas Lara Fabian. Attends, je vous en fais écouter juste une. Oh non, Julie, non! Non, mais juste une de Johnny. Tiens, prends une oreillette. Toi aussi, tiens. Moi, je la connais. C'est dédicace, les filles, à l'amitié. C'était Johnny est un chanteur belge de Solène Denis avec Maëlys Ricordo, Julie, Élodie Hubert, Sarah, Marie-Odile Weiss, Anaïs et les voix de Xavier Xapla, Ombeline de la Tessonnière, Jean-Paul Dubois, Pauline Cassan, Louis-Marie Audubert et Sidonie Laurence. Bruitage Patrick Martinache, conseillère littéraire Céline Geoffroy, prise de son, montage, mixage, Philippe Bredin et Emmanuel Armingue, assistant à la réalisation, Félix Levaché, réalisation, Pascal Deux. Je crois comme un tapon à tes bras qui me serrent, je te promets une histoire différente des autres, j'ai tant besoin d'y croire.